règlement nous dit. Le règlement nous dit. Le règlement prescrit. Et chaque jour, nous prenons nos médicaments. Se succèdent. Les anniversaires, aujourd'hui, je suis 89. Sur le panneau à l'accueil, il est écrit aujourd'hui, nous sommes lundi. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Entre le samedi et le lundi, il est des jours. Peut-être ai-je trop dormi. Peut-être que ce sont là les effets des médicaments. Il y a la mauvaise lumière qui brille, qui réside dans les tubes, une lumière instable, pas celle des bougies, qui vacille aussi dans l'air, celle qu'on peut avoir dans nos chambres. J'ai pas envie d'aller à la douche. Une fois par semaine, on doit se doucher. Et à chaque fois que je vais à la douche, il se passe des choses étranges. La dernière fois, il y a des choses bizarres qui sont passées. Je peux pas me souvenir. Il y a des trucs bizarres qui grouillaient. Il y a des trucs qui sont sortis du pommeau de la douche. Des trucs vivants qui grouillent, qui suintent. C'est pas avec ça qu'on va se laver, hein. C'est obligatoire de se laver. Mais il faut les manger, les insectes. Il y a plein de protéines dedans. Et là, il y a une blouse blanche qui traîne. Elle regarde. Et comme quiconque traînerait dans le couloir désœuvré, là au petit matin, alors que la brume nimbe la lumière grésillante des néons qui se mêle à la brume qui rentre à l'intérieur du couloir et vient se noyer dans les mares. J'avance. Dans l'eau fangeuse qui ruisselle depuis les murs et s'écoule au milieu de la saignée du couloir, entre les carreaux tout sales et tout jaunis, où grouillent des tas de cafards. Et là, ils sont bruissés de leurs antennes. Je sais qu'ils me disent quelque chose. Ils veulent me dire quelque chose. Ils veulent me dire qu'ils risquent. Je risque de me faire choper. Puisque en n'allant pas me doucher, je pourrais me faire prendre par les blouses blanches et alors me faire convoquer auprès de Marche. Et je sais pas si Marche est sympa ou pas. Parce que sinon je serais pas un patient ici, je crois. Mais si j'écoute les insectes, alors peut-être que ça veut dire que je me transforme. Si je transforme encore, et si la crasse s'accumule, peut-être que je vais nourrir ce qui grandit au-dedans de moi. Quatre dés de riz. Échapper à la surveillance. Ne pas aller à la douche. Mais avec la crasse qu'il y a partout, celui-ci, je l'affecte à la surveillance. Le patient est insoupçonnable, il n'est pas inquiété. Ensuite, j'ai dit quelque chose de bizarre pouvait se passer. J'ai la parole, c'est moi qui veut dire. Ensuite, mon objectif, il échoue. Et donc, j'ai réparti mes dés. Ça me dit que il se passe quelque chose de bizarre et j'ai la parole, j'ai la voix au chapitre là-dessus. C'est pas, pardon, c'est pas l'un de vous qui va me dire ce qui se passe de bizarre. Et donc, par rapport aux bizarreries, il faut les mettre en œuvre par rapport aux questions qu'on a posées. Pour essayer d'y répondre. Et je vais être souffrant pour le reste de la séance. Mais non. Ça veut dire que... Qu'il est assistant de lui-même. Ah non. Non. Je... Alors, des prochains... Un dé avant. Se suicider dès le début de la partie. Mais après, je pense que t'as pas trop le choix, je pense. Ça dépend après. Mais après, c'est pas parce que t'es souffrant que t'es mort. Hein? Je déambule dans le couloir. Nonchalamment. Comme si tout était normal et que. Jamais je n'aurais osé enfreindre le règlement. Je lisse une des boucles que forment mes cheveux très courts. En fait, j'ai pas de boucles. Mais la vue moche de la bouche blanche ne prête pas attention à mon manège. Je m'avance nonchalamment. Ferme mon œil valide, j'ouvre grand, j'écartille mon orbite vide, mon orbite qui suit de matière noire. Là, il y a quelque chose qui sort, et à ce moment. Et à ce moment, une blouse blanche râle derrière moi. Ouf, c'est chaud. De fait, je m'éloigne. Stratagème soit éventé. Et je suis seul dans les douches. Tu vas la prendre coûte que coûte ta douche. Les petits grouilles. Et vous n'avez plus entendu parler de moi si ce n'est pour entendre dire que j'étais souffrant et que je reparaîtrais pas de suite parce qu'il fallait. Me soigner après que je sois tombé sous la douche. Il faut pas se moquer. Il y a vraiment des gens qui sont morts comme ça. Ah bon? Oui. Qui sont tombés, qui sont assommés, qui... et il y avait l'eau qui coulait, ils sont noyés. Sous la douche. Oui, c'est la douche. Ils ont glissé, et après ils se sont cognés la tête, ils sont évanouis. Et ah, après, moi je l'imaginais, il est là, il reste ici. Il va sous la douche. Il va sous la douche, mais sous la douche. En dessous. Mais. Je t'imagine des trucs. C'est l'imposteur, le trafic. Il a trafiqué la douche. C'est l'imposteur, je vois lui. Mais c'est pas ma faute si je vois mes mains. C'est à toi. Mais moi, comment je vais faire pour répondre à une de mes questions si t'es mort? Enfin, t'es pas mort. T'es souffrant. T'es à deux doigts de mourir. T'es dans le coma. Non, pas encore. Non, je suis pas dans le coma. T'es dans le coma ici, en fait. Oui, mais si t'es dans le coma, t'es ici. Ou alors t'es mort. Faut choisir. Soit le coma, soit t'es mort. C'est pas juste. Oui. Mais si. Oui. Tu vois la même chose. De quoi? Pourquoi mes mains sont toutes rouges? Bah, elles sont blanches. Aussi blanches que ta peau. Pourquoi elles coulent? Bah, moi, les miennes, elles coulent des fois. Et moi, je dis rien. Mais pourquoi mes mains sont rouges et elles coulent? Moi, je ne vois rien, moi. Moi, je vois des mains normales. Il n'est plus temps de discuter. Vous devez regagner vos chambres. Vous avez pris votre médicament? Oui. Non, pourquoi je sens qu'il va me l'avaler? Non. Il est drogué. Allez. Doucement, monsieur, on ne fait pas peur. Ah, c'est quoi ça? Miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une ruche? C'est... Il est important de prendre son médicament. Oh, afin que... vos règles vous habitent pleinement. Hein? Jeune patient. Et... l'heure du coucher est maintenant arrivée. Mais faut que je me lave les mains, c'est toute rouge. Non, on ne se lave pas les mains. L'accès aux douches et aux toilettes s'interrompt à 21h30. Reprise le lendemain matin. Il sera toujours temps demain de vous laver les mains. Mais je vais tâcher mon lit. Peu importe si tu souilles tes draps. Tes draps sont frais. Tout rouge. Cesse de discuter ou je t'envoie les blouses blanches. De ta main. Et tu iras au lit à clous. Si, j'ai dit rouge. Silence, jeune fille. Regagne ta chambre. Ta chambre, c'est la B27 maintenant. Vous n'êtes plus dans la même chambre. Toi, tu auras la B42. Mais c'est le monde. Tu seras seule dans ta chambre, c'est mieux, c'est souhaitable. Non, il y aura mon chat d'abord. Allez, au revoir. Aura-t-il ton chat avec toi? Ouais, il est toujours avec moi. Oui. Il ne ronronne pas là? Ton chat ne ronronne pas? Non, parce que vous êtes méchant. C'est le docteur Marc. Oui, je sais, mais il est méchant quand même. Je ne suis point méchant. Si. Jeune monsieur, patiente, je me préoccupe de votre santé. Mais monsieur, il a qui le roux rouge du ventre? Je ne sais pas de quoi tu parles, mais là, il est l'heure de regagner... Mais le rouge qui coule, là! Regagne ta chambre, il est grand temps que tu... Il n'y a rien du tout, regarde, aille te reposer. Mais si, ça, c'est le rouge des messieurs et des madames. La consultation, désormais, s'effectuera séparément pour vous deux. Mais pourquoi? Cessez de vous plaindre. Non, non, je vais le dire. Mais j'ai fait exploser il papa. Il faut peut-être changer le dosage. Non, non, non, c'est bon, il est bien le bol. Non. Non, je suis gentille. Non, non, mais je n'ai même pas porté. Oui, mais je pense à... Tiens, prends cela. Non, non, non. C'est ce qu'il te faut. De quoi? Les oranges, toujours. Oui, les oranges, là. Oui. C'est une chauve-souris. Non, non. Tu vois une chauve-souris? Oui, ce truc rond, c'est une chauve-souris. Es-tu sûr qu'il s'agit bien d'une chauve-souris? Non, il va recommencer ses tâches bizarres. Ou alors c'est une citrouille avec des ailes qui a commencé à manger, du coup elle a un bout de tête en moins. Elle, dis-moi, quelle couleur vois-tu? Le rouge et noir. Rouge et noir. Tu vois du rouge et du noir. Est-ce que tu vois le rouge sang dont parle ton ami? Mais c'est à qui le rouge? Oui. Silence, jeune. Padawan. Tu n'es pas Padawan. Je suis 90. Jeune 90, silence. 90. Mais pourquoi à chaque fois que je fais quelque chose, il n'y a pas de tête? Il n'y a pas de tête. Oui, c'est deux personnes. Il y a un mur. Enfin, un mur très comme un miroir, une vitre. Et ils se tiennent main à main comme ça. Et ils ont une jambe en moins et une tête en moins. Parce qu'elles se font face. Elles sont comme ça. Non, je peux vous toucher. Elles sont comme ça. Voilà, comme ça. Une seule main. C'est tout. Ne pas me toucher. Un mètre de distance. Covid 19. Elles sont comme ça ou comme ça? Comme ça. Comme ça? Attends. Pose ta main. Pose ta main. Matérialise le miroir. Elles sont comme ça et... Tu vois? Que vois-tu ici? Bah, les mains. Là, ne vois-tu pas que leurs pouces sont mêlés? Arrêtez, monsieur. Arrêtez. Restez-moi. Je veux le truc. Attention, il va faire une crise. S'il te plaît, s'il te plaît. Ne vois-tu pas que leur pouce? Non. Et s'ils étaient mêlés? Non. Je ne peux pas être mêlée à votre pouce. Comme ça. Et leur visage, que fait-il? Bah, il n'y a plus de visage. Il n'y a plus de visage, c'est juste leur cou qui tombe, qui se tombe comme ça. Mmh. Je regarde avec un visage invisible et une tête invisible. Que font-ils alors? Bah, ils ont les mêmes blessures et ils se regardent avec une tête invisible. C'est leur ici, que vois-tu? Là, précisément. Un regard, même s'il n'y a pas de tête. Monsieur, je peux avoir du truc? Suis mon doigt. Non, je peux avoir du truc. Tu connais ce crapaud? Non. Suis mon doigt. Non, je ne peux pas suivre votre doigt. Non, il est méchant votre doigt. Rejoins ta chambre. Je vais les espionner. Espion soviétique. Maintenant, tu rejoins ta chambre. Je veux faire le truc. Écoutez, il va faire un caprice. Que vois-tu là? Je vois un stylo. Un stylo? Ouais, c'est bien. Un stylo sur un soleil. Et des étoiles. dans le soleil. L'imagination de l'enfant. Et en fait, le stylo, il a une plume. Intéressant. Intéressant. Et le stylo, il a un bouchon aussi. Comme tout stylo. Non, pas tout. Il a un bouchon, il est sur le soleil avec des étoiles, et il y a aussi une fée. Je préfère les mots. C'est confirmé. Une fois que tu as livré tes impressions au supérieur, que tu quittes ce lieu un peu hors de l'hôpital qui est son cabinet, le cabinet du docteur Marsh. Monsieur Marsh, il est trop gentil. Tu te trouves dans le couloir. Oh non. Le long couloir qui mène jusqu'aux escaliers. Je déteste que ça fait ça. La phobie des couloirs. Comment c'est quoi comme phobie? Un long couloir qui semble vivant de mille bruits, des cris des autres patients. Les murs ondoient. Tu es pressé de gagner ta chambre. Quel est le numéro que t'a indiqué le docteur Marsh, le docteur Fijon? Alors, pourquoi? C'est le seul truc dont je me souviens plus. Lorsque tu parviens... Je suis dans la même chambre qu'elle, du coup je me souviens. Non, je suis pas dans la même chambre que toi. Mais si. Non. Oui, il est dans la même chambre que moi. Vous avez oublié. Non, mais si tu viens dans ma chambre... Qu'a dit le supérieur que vous deviez résider dans des chambres... Il a dit que... je devais me coucher le supérieur. C'est un supérieur. Ça se ressent supérieur, oui. Tu vas faire la même erreur que moi. Il a dit qu'il y avait... Il fallait prendre des médicaments. Et le dernier, le dit. Qu'a-t-il indiqué au sujet de ta chambre? Que tu devais gagner le deuxième étage? Non. Non. C'est bien ce qu'il a dit. Si tu restes au premier et que tu redescends la volée de marche, que tu redescends là où sont les cris les plus familiers, où tu vois passer le muet qui agite ses doigts frénétiquement pour parler, peut-être que tu retrouveras ton ami. Mais ce faisant, tu enfreins le règlement. Bah, je vais dans ma chambre parce que je me souviens du numéro. Et le numéro, bah, c'est un numéro dont je me souviens très très bien. Que je n'ai pas du tout oublié. Moi qui me caresse. T'as oublié... Bah non, j'ai pas oublié le numéro. Oh mon oeil. Non. Non. Mon oeil. Non, non, non, non. Please. Allez, vas-y, lance. Lance. 1, 4, 3. Du coup, ça fait 4 et 4. 8, si je ne me trompe pas. Excusez-moi. Cette fois, j'ai vraiment... J'ai vraiment un souci, tu vois. Voilà. c'est vraiment deux chats. Cette fois, il y en a deux, mais c'est vraiment des chats. Ah, là c'est le mauvais côté. Il était où? Non, en fait il bouge pas. Il reste à sa place. Il change de sens. 3, 3, 1. C'est un peu moins. Ça fait 7, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, il était trop jeune. Pourquoi? Et en plus, il ne peut même plus allumer de bougie, tellement qu'il s'est fait manger. Autour de toi, des troncs gris s'élèvent vers le ciel sombre de nuit. On devine à peine les frondaisons tout autour. Ruisselle la pluie, une pluie fine et incessante. Qui s'engouffre partout, qui goûte depuis les hauteurs des arbres. Il est toute seule à briller. Drève, là, ton regard porte encore, là où devrait se trouver la porte de la chambre où est ton ami. Tu ne vois que la clairière où réside le canibal. Je fais demi-tour. Non, mais ils sont quoi? Mais j'ai des gens. Je parle pas de moi. Le cannibale est impatient, mais ce n'est pas impatient comme des autres. Ce n'est pas moi. C'est une vache. Si tu rebrousses le chemin, tu vas t'enfoncer à nouveau dans la nuit noire du bois. Tu entends tout autour des voix qui susurrent. La lumière rassurante, il y a juste des bruits inquiétants. Tout autour, les arbres semblent osciller sous un vent qui n'a pas réussi à chasser la pluie depuis des jours. Tu renonces à rejoindre la chambre de ton ami? Prends-tu la première porte? La première porte qui s'ouvre? À 21h30, on doit être dans sa chambre. Sinon, on enfreint le règlement. Thank you. il est 23h. Oh non, je suis pas dans ma chambre. Tu es spécial. T'essaies de retrouver la chambre que tu partages avec ton ami Leslie. Est-ce que quelque chose de bizarre va se produire d'après toi? Est-ce que tu vas échapper à la surveillance des blouses blanches? D'après toi, est-ce que quelque chose de bizarre peut se produire? Alors, il n'y a pas de diable contre toi. Tu peux atteindre ton objectif et trouver la chambre. Mais tu utilises ton meilleur dé. Oh, 4. Et c'est moi qui ai la parole. Pour dire comment tu atteins. Comment tu atteins ta chambre. C'est pas le truc qui fait peur. S'il te plaît. Le patient a un frein de règlement là. Tu risques une convocation. Oh mon Dieu. Je me fais superviser. Je supervise. Parce que tu es le superviseur. Il se passe quelque chose de dangereux et terrifiant, regarde ta bizarrerie. Rebrousse chemin. Là, tu entends tout ce qui ritualise le coucher, le bruit des portes, le hurlement des patients les plus agités, les claquements, les grognements des blouses blanches qui circulent et donnent de la voix pour rappeler qu'il est temps, temps du silence, temps de la nuit, temps du cauchemar. Tu te presses. La première porte semble être la bonne. Se jouer la poignée, mais elle est fermée. Et non, là, tu t'es trompé. Ce n'est pas la porte familière. Tu passes. Tu t'éloignes. Quelque chose a bougé dans le couloir. Tu as vu fugitivement quelque chose. Tu ouvres la porte, tu rentres. Tu as rejoint ta chambre après l'entretien avec Marche. Encore groggy par les médicaments. Produit en toi ces médicaments. Ça t'apaise ou ça t'assomme? Moi, je suis fatiguée, très fatiguée. Tu es très fatiguée? Oui. Tu es déjà allongée sur ton lit? Oui, et je caresse mon chat. Tu es en train de caresser ton chat et d'un seul coup, son poil se hérisse. Qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves nue. Quoi? Il est dressé sur ses pattes. Qu'est-ce qu'il y a? Il vole. Ses poils sont hérissés. Et là, tu vois une paire Dieu qui te regarde dans l'obscurité. Oui. Qui te fixe. Bonjour. Qui t'observe. Pourquoi tu me fixes? Pourquoi tu me fixes? Qui es-tu? Est-ce que je te connais? Non, je te connais tu pas. Tu vois surtout le sang. Le sang qui macule le visage de ton ami. Lui? J'ai peur. Mais c'est toi qui viens de me faire peur. Tu m'as fait faire une crise cardiaque. Et mon chat aussi, il y a eu une crise cardiaque aussi. Ah si. Enfin, ah si, t'es pas c'est fière, du mais... sang. C'est du rouge. Il est à qui le rouge? Je sais pas il est à qui, mais je vois pas du sang, à part sur ton visage. T'as fait quoi? T'as fait un meurtre? Bah non, j'ai pas fait de meurtre. Et qu'est-ce que tu fais dans ma chambre d'ailleurs? Bah je me souviens plus de mes rouges. Que toi pour oublier ça quand même. Ok, cache-toi sous l'une des couettes là-bas. Et tu dors, ok? Tu te nettoieras demain, d'accord? Demain est un autre jour, ok? Tout va bien se passer. Allez, cette fois tu reviens, le chat, ok? Tu me fais pas aussi peur que ça. C'est toi qui m'as fait le plus peur. Petit chat noir. Mais pourquoi tu grognes contre lui? On le connaît, il est gentil, hein? Mais... gentil chat. Gentil chat. Il est méchant avec moi. Non, il est gentil avec moi, c'est le principal. La méchanceté. Oui, petit chat aussi blanc. Oui. Petit chat. Pourquoi j'ai appuyé sur le bouton, moi? De quoi? Pourquoi j'ai appuyé sur le bouton rouge? Quel bouton rouge? Mais c'est un cauchemar, ça va aller. Ok, tu vas t'allonger, tu vas faire dodo. Et tu vas rêver de stylo avec des étoiles. Et un soleil. C'est bien? Non. Mais j'ai le stylo aux étoiles et au soleil. Ok, j'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Je suis fatiguée, je suis au bout. Je suis au bout de ma vie, s'il te plaît. Est-ce que je peux dormir? Tu peux arrêter de me faire faire une crise cardiaque comme ça? J'étais en train de m'endormir avec mon chat sur moi. Tranquillou, et toi tu débarques. Tu fais... bouh! Mais non, est... mais je voulais te dire bonjour, je voulais pas te faire peur. Bonsoir. Allez, fais dodo, ok? Ferme les yeux et tu ronfles. Pas trop fort quand même, s'il te plaît. Arrête de faire un petit chat. La prochaine nuit, tu dors dans ta chambre, d'accord? Mais c'est quoi le numéro de la chambre? Je sais plus, moi j'ai retenu que la mienne. Mais si jamais il y a les blouses blanches qui rentrent, tu te caches sous les couettes, ok? Okay. Après, s'il te prend, bah tant pis. Je peux pas, je peux rien faire pour toi. Allez, bonne nuit. Tais-toi, t'es censé dormir. C'est ça, fais dodo. Pendant que je parle dans mes pensées, ok? Mais je suis dans tes pensées. Sors de ma chambre. Tu dors dehors, je m'en fiche. C'est juste un petit chabatouille. Qu'est-ce que vous voulez chez tes enfants? Je me demande. Attention, l'un de France Barrier, il a trouvé quelque chose, je pense. Il va tous nous trouver. Avec un marteau. Vas-y. Fred. Je veux te retrouver sur le plancher. Je vais me retrouver dans un livre quelque part. Yes. Ces planches tendues en guise de sommet, constellées de clous, ces sangles. Yes, je prédis l'avenir. C'était trop fort. Je t'aime pas du tout. Soupir de. J'aime pas ton pouvoir de dire l'avenir. C'est ce qui t'empêche de dormir réellement, malgré la fatigue. Dans l'hôpital. Il y a tout autour. De toi vibrer. Bah, je vais passer une très bonne nuit, moi. Même de l'hôpital. Chut, tais-toi. Tous les enfants qui ont séjourné dans cette chambre. Tais-toi. Comment as-tu échappé à la douleur lorsque tu étais sur le lit à vie? Tu as rêvé que tu... Tu rêvais un papier, je l'ai mangé. Que tu étais libre de tous tes gestes, que tu te promenais. Peut-être te promenais-tu encore avec ta sœur. Peut-être que tu te promenais avec ta sœur. Dans la forêt. Tu es dans la forêt. Dans les bois. Ta sœur te tient la main. Tu entends autour les cris. Moi j'arrive comme ça. Des cris. Tu n'es pas. Sens les cris des patients. Es-tu encore dans ta chambre alors que l'heure du couvre-feu est passée? Mais oui, j'ai rien fait. Es-tu singulière? Es-tu une personne d'importance? Oui. Une idée? Là, j'ai beaucoup d'idées, moi. Est-ce que tu penses que quelque chose de bizarre? C'est ma sœur, elle est bizarre, donc oui. Oui. Je sais pas moi. Est-ce que tu vas échapper à la surveillance des blouses blanches? Mais je dors, comment ils veulent? Comment ils veulent me surveiller si je dors? Bah si, ils peuvent me surveiller. Mais... j'ai rien fait de mal. Comment se fait-il que tu sois en train de te balader avec ta sœur? C'est un rêve. Un rêve prémonitoire. Et coucou. Mais arrête-toi de t'incruster dans mon rêve. Tu me vois sur la lignette. Et coucou. Arrête de t'incruster dans mes rêves, vas-y. Je peux voir. Il y en a dans le frigo. T'as qu'à te réveiller et aller en chercher. Penses-tu que tu risques de souffrir? Bah non, c'est ma sœur qui va pas me faire souffrir. Non, elle est gentille. C'est ma mère qui risque de me faire souffrir. Mais ma sœur n'est pas ma mère, du coup... je vais pas souffrir. Ah bon? Je savais pas. Si je dis oui, c'est de gagner un dé. Oui. Oui. Mais après, non. Non. Mais il te faudra te le placer. Bon, après, j'ai peut-être mangé du coup, elle est peut-être en colère. Donc, tu risques de souffrir. Mais non, je sais pas. Je vais te manger. Non, elle mange pas les gens, c'est plus mon truc, ça. Elle sera, tu m'as mangé. Je suis pas contente. Je sais pas ce qu'elle fait, mais elle mange pas les gens. C'est pas son truc. Elle est vegan. Oh non, jure. Elle est sainte. Pourquoi il y en a un des noirs? Parce que t'as pris un médicament tout à l'heure. Ah oui, oui, c'est vrai. T'en as même pris deux. Ah oui, c'est vrai, non, moi j'en ai pris deux. Overdose. Mais j'ai préféré le premier. Toi aussi. Et alors, ah oui, c'est vrai, il en a pris deux, lui. Ah oui, parce que je sais pas ce qui m'est arrivé. Je me suis fait une teinture de tête. Teinture de tête. Ah oui, c'est vrai. T'as décidé, le rouge, ça te va bien. Ouais, je suis devenue un personnage d'animé. Moi aussi, le rouge, ça me va bien. C'est le truc qu'on fait en musique. Si tu prends la bizarrerie, tu redonnes, tu te débarrasses d'un rosaire. Pourquoi? Ça fait quoi la bizarrerie? Ça augmente tes chances de survivre. Non, tu vas te confronter à un problème lié à ta bizarrerie. Bah, j'ai entendu des voix entre deux quand même, mais après ça s'est Coucou. Arrêté quand elle était là ou ça a continué quand elle était là? Alors c'est elle qui me parle. Ah! Et qu'elle me suit là, moi! Et ma père, et ma soeur, et mon frère, alors, ils sont tous dans ma tête, oh mon dieu! Que choisis-tu? Techniquement. Est-ce que tu te confrontes à ta bizarrerie ou pas? Bah, pas tout de suite, je verrai lui parler plus tard. Donc. Non, est-ce que ça m'aide si je me concentre à ma bizarrerie ou ça empire les choses? C'est. Ça dépend si tu veux explorer et répondre à tes questions ou pas. Oui, bah là j'ai déjà répondu une question, non? Ah bon? Bah oui, je sais. Laquelle? Bah, et je revois ma sœur. Ça, on sait pas. Moi, je sais, moi. Non, je ne peux pas jouer dans ma tête. Ok, d'accord, c'est bon. Et donc, est-ce que tu veux te confronter à la bizarrerie? Non, je le ferai demain. Je le ferai demain. Donc tu jettes tes 3D. La poisse ne vient pas sur avec moi. J'ai rien fait de mal aujourd'hui. Ok? Et ben, apparemment j'ai fait quelque chose de mal. Apparemment. Tu m'as pas donné le coffre. J'ai fait 5. 5, 2, 6. Voilà, tu as fait 2, 6 de mal. 5, 2, 4. Eh, t'as dit t'as rien fait de mal? Tu m'as pas donné le coffre. Mais ça, c'est pas quelque chose de mal, ça. C'est te rendre service. Comment ça? C'est te rendre service pour ton régime. C'est... Non. Donner une gaufre à quelqu'un, c'est un bien pour une amitié. Tu peux utiliser le 5 pour ne pas souffrir. Je ne veux pas souffrir. C'est bien. D'accord. Le 4 peut j'ai se servir. J'ai pas envie de souffrir. Tu vas être convoqué chez... Mais encore, mais... Chez le supérieur. Mais j'en ai marre, il m'aime bien, lui. Bah oui, je l'aime bien. Et le 2... Mais le supérieur m'aime trop. Il m'a même appelé Alice. Il m'annonce que je m'appelle plus Alice. Tu échoues, ce qui veut dire que... Pourquoi j'échoue? J'échoue comment? Bah, là, tu étais en train de voyager avec ta sœur. Oui. Du coup, je me suis rattrapée. Tu disais que c'était un rêve prémonitoire. Oui, c'est un rêve prémonitoire. Du coup, je vais l'avoir. Et du coup... Et du coup, ton rêve s'interrompt abruptement. Oh non, c'était mon film préféré. Pour te rendre compte que tu es dans l'hôpital. Dans le couloir. Oh, je suis somnambule maintenant. Tu es pieds nus. Il y a de l'eau par terre, une eau fangeuse qui souillée, éclairée par les néons c'est quoi qui grésillent. C'est de type quoi ce liquide? De quelle couleur? Le type là. Couleur rouille, une teinte sombre. De l'eau souillée, de la salive. J'ai transpiré, c'est tout. De la salive. De la salive. Ça niffe de la salive. Tu crois que je me suis fait manger et recracher ou quoi? Non, je sais, c'est... C'est de l'eau qui a ruisselé depuis les plafonds et les canalisations. Il pleut dehors. Et tu es dans le couloir... Je vais retourner dans ma chambre et me rhabiller, s'il vous plaît. Ayez près pitié. Du sous-sol. Oh, j'aime bien le sous-sol, c'est accueillant. Et c'est froid en plus en bas. Et tu as juste la chemise de nuit te prévoit le règlement. Je vais retourner chez moi et me rhabiller. Pas même ton chat est avec toi. Tiens, mon chat! Non, il fait sa meilleure pièce sur mon lit. Ça veut dire que t'as pas accompagné. Ah yes. T'as pas accompagné, effectivement. Tu as juste ta chemise de nuit qui est une camisole légère ouverte sur l'arrière que l'on lit. Bah, je vais retourner chez moi. Enfin, chez moi, dans ma chambre, me rhabiller. Et après, je pourrais peut-être aller à la cave. J'ai pas envie d'attraper la peste, moi. Ça n'existe plus. Peut-être que moi, je peux l'attraper. Tu retournes dans ta chambre? Oui. Redors, toi. Tu m'as pas vu. Je n'existe pas. Alors, petit chat, tu peux m'accompagner? Aujourd'hui, nous sommes mardi. Samedi, dimanche. Ouais. Und ich habe den ganzen Tag in etwas getragen. Eine Frau. Ich will doch komplett wie lange sind denn die Familien schon auf dem Boden? Wie simulst du die Blouse Blanche, que tu n'as pas gagné la chambre que t'avais indiqué le docteur? Je mange des gaufres. Mais pourquoi? C'est très bien comme ça. Tu crois que tu vas finir invisible quand c'est dégoût? Tu te rends immédiatement au matin au réfectoire et... Ah non, non, non, non. Et tu estimes que... Ah non, non, non, non, non. Peut-être que ces gaufres vont le rendre invisible. Tel le chapeau. N'éventeront pas la supercherie. Alors, tu restes dans ta chambre sans manger. Dans la chambre, tu te caches. Et comment comptes-tu échapper à l'heure des médicaments? Du coup, il est tout seul avec mon chat. Bah, je suis caché sous les côtes, comme elle a dit. Tu vas te faire manger par mon chat. Et si tu es porté manquant, que va-t-il se passer? Bah, ils vont te rechercher et ils vont te donner une grosse fessée. Ou alors tu vas te faire manger par mon chat. Arrête de donner des idées, toi. Ou alors tu vas rentrer tranquillement dans ta cellule. Très bien. Mais je sais plus, c'est mon réfectoire. Mais non, je vais me chercher des habits, moi. Je suis quasiment nue. Ah, c'est bon, j'ai re mon chat. Tu m'as manqué. Allez, je me rends au réfectoire. Et je mange de la soupe. De la soupe. Soupe. La soupe. Dès le déjeuner. Il y a un peu de médicaments dedans. Oh. Ça donne un arrière-goût, la soupe. Ben. De la soupe. La soupe, c'est toujours bon. Ça fait grandir. Ça donne de la force. Tu manges le rata de la cantine. D'autres patients sont là. Ils sont silencieux et discutent Je les regarde. Et comme chute. Une blouse blanche aurait été attaquée cette nuit par un des patients. C'est qui le patient? Eh, je vais lui faire un câlin. Non, non, non. Qui a tué cette blouse blanche? Je l'adore. Non, il l'a attaqué, il a eu juste un cocard, il a juste un bleu. Mais tout le monde est confiné à la cantine. Mais pourquoi? C'est bien, je mange de la soupe. Moi je suis confiné dans une chambre. Ah oui, parce toi, que tu peux faire manger. Mais moi je t'avais oublié, moi. Je croyais que t'étais un linge sale. Moi. Tout le monde est confiné à la cantine et. Du coup, tu étais déjà allé à la cantine manger des coups. Le supérieur Hermann se... Ah oui, c'est vrai. À lui. Se présente à l'ensemble des patients et vous indique vous disposez d'une heure avant la prise des médicaments pour déterminer qui est à l'origine de cette agression. Nous fermons... Eh ben, t'as de la chance, toi. T'as de la chance. Nous fermons le réfectoire. Nous vous laissons déterminer qui est à l'origine des faits. C'est toi l'imposteur. C'est toi. Je suis pas là, moi. Quelqu'un a agressé sauvagement à coups de couteau l'un des... J'avoue, c'est moi. Non, c'est pas moi. Je vais me sacrifier pour toi. Moi, je suis ok. Non, non, il va me tuer. Il va dire, t'as fait ça et toi, je vais te faire la même chose. L'une des blouses blanches, l'un de nos fidèles assistants. Chut, toi, t'es dans une couette. T'es dans une couette. Le chat, tu fais le guet. Vas-y, regarde. De fait... Comment pourras-tu échapper à ce que l'on découvre en haut lieu, alors que tu étais déjà dans l'œil du cyclone, puisque tu n'avais pas rejoint ta jambe? Mais là, non seulement tu manques à l'appel... T'es principal suspect, je suis désolée. Non mais moi je suis cachée, je te dis. Non mais moi je vais être pour toi, moi je dis c'est toi. Mais tu es donc cachée, mais comment non, se fait... Comment pourrais-tu échapper? Au pire, c'est moi qui me sacrifie. Je suis gentille, moi. Donc... Surtout que de base, je devais me faire convoquer, donc... Allez, go. Non, non, ils vont me pendre. Ils vont me désintégrer. Ils vont m'attendre moi. Non, je vais donc, me sacrifier pour toi. Qu'est-ce que... Ah, mais dans CD. Qu'est-ce que tu fais pour contribuer à ton innocence? Tu es le seul. Je dis que c'est lui. Non, je gagne. Quoi? Non, je dis que c'est le chat. T'as des preuves? T'as non, des preuves gagne. Que c'est mon chat? Bah, je deviens le linge sale. Je ne fais qu'un avec le linge sale. Je me salis, je me frotte avec le linge sale. Tu sais qu'il y a mes... Ah. C'est un peu plus gênant, mais bon. T'es quoi? Oui. Bon, mes habits sales, moi. Vas-y. Il se fait passer pour moi, tu sais. Bonjour. Il te manque plus qu'une perruque. Je vais tout en dessous des habits à la salle. Ça sent pas un peu mauvais, non? Non. Et tu cherches à te faire oublier. Oui, ton je but, c'est que on oublie jusqu'à ton existence. Mais non, il faut que t'assumes. Bah oui. Sois un vrai garçon, sois un vrai homme. Un homme, un vrai. Donc ton but, c'est... Ok. Alors là, c'est le dé pour atteindre ton objectif. Manière, tu m'as saigné, on va voir mes habits rouges, ils vont se dire « Oula, il y a un meurtre, oula !» Tu as ensuite... Et après, je vais me faire accuser, c'est sûr. Il lance un dé parce qu'il est spécial. Il lance un dé qu'il essaye... Parce qu'il essaye d'accomplir quelque chose d'important pour lui. En lui. Il lance un dé parce qu'il risque de se faire prendre par les blouses blanches. Oui. Oui. Est-ce que quelque chose peut se être déclenchée au regard de ta bizarrerie. La bizarrerie, c'est la thématique du sang sur les mains. J'ai toujours du sang. Oui. Donc, ils vont, ça se trouve, t'as fait des traces par terre. Ils vont faire. Oh, c'est Est-ce que, d'après toi, tu peux souffrir de la situation? Non. Non, pas du non, tout. Je peux pas. Tu sais, ils vont me mettre dans un spa. C'est moi qui vais devenir le patron. C'est bon, je l'ai mis. Et t'as. Donc. Ah, ça va, t'as beaucoup d'idées. T'as 5 dés, en vrai, ça va. Si tu. Mais non, il faut que tu les lances. Ça fait beaucoup. Bah, c'est bien, ça te donne plus de chances de réussir. Non. Non? Ça me donne plus de chances de mourir. Ah, ok, bah, meurs. Au revoir. 6, t'as un 6, un 5, un 4, un 1, un 2. Ah, t'as tous les chiffres. Il manque plus que 1 dé et t'as tous les chiffres. Il manque le 3. Oui. Maintenant, il faut confronter au risque. Mais moi. Donc. Je vais me faire convoquer, moi, en plus. Moi, je vais mourir. Je sais même Quelle pas est ta quoi, priorité d'ailleurs. C'est d'être oublié? Oui. Je n'existe pas. Si tu veux, je me sacrifie pour Attends, toi. Attends, tu sais. Il est où, zéro? Mais c'est qui? Bon, j'ai arrêté. Tu veux mais échapper. C'est qui, zéro? Tu veux échapper à la surveillance totalement? Oui. Au pire, tu changes d'apparence. Le patient est insoupçonnable, il n'est pas inquiété. Ok. Ton objectif, c'était de passer inaperçu. Est-ce qu'il est passé inaperçu? Et il faut que tu mises un 4 ou un 5. 4, 5 ou 6. Donc, tu peux mettre un 4. Donc, t'as un 6, un 4 qui sont pris. J'ai presque le temps. Et il te reste 5, 1 et 2. 1, 2, 5. Je sais pas compter. 5, le patient ne souffre pas. Le patient cool. a la parole, ok? Cool. Mais tu vas te faire virer. Bah cool, comme ça et tu pars. 1 et 2. La bizarrerie, c'est pas quelque chose de bizarre, de dangereux, de terrifiant. Le docteur a la parole. Ouf, quand le docteur a la parole, mais c'est jamais c'est rassurant. Lui qui m'a fait le tuer. J'étais pas présent. Tu t'es fait posséder. J'étais absent. Il s'est fait posséder par le docteur. Yes, tu l'as tué. C'est le. C'est pas moi, j'étais absent. Et donc là, tu pouvais attribuer qu'un dé noir. On dit que c'est un noir où t'as eu le 1. Hop. Et tu récupères un souvenir. Ah, j'ai peur pour moi-même. Et pour lui. Le pire, je me sacrifie. Ça fait quoi si je me sacrifie? C'est une légende. On dit qu'il y a eu un patient zéro. Il s'est perdu dans mon linge sale. Un patient zéro. Triste fin. Le premier patient de l'hôpital. Celui qui fut le cas le plus épineux, mais c'est une légende entre patients. On en discute au réfectoire, sous la douche. J'ai une preuve, j'ai du sang sur ma main. Ah. Et là, moi, je vois. Oh, t'es là. Oh, tu n'existes pas. L'hôpital, plus sûrement qu'habité par des patients, est habité par leur présence de tous les patients, de ceux qui furent, qui ont et qui seront. Peut-être que l'hôpital, après tout, n'est pas un lieu. Peut-être que tu entends certaines de ces voix. Toujours est-il que ce patient d'autrefois, celui qui est la somme de tout ce que furent les patients qui ont été et seront des patients. Ceux dont les voix se mêlent au grincement des portes. Ceux dont les plaintes se confondent avec le gémissement de ceux qui sont terrorisés par la toute cette nuit. Cette nuit de solitude où les portes sont fermées et où chacun est isolé avec ses propres terreurs nocturnes. Confiné dans sa camisole. Surveillé étroitement par non. Ils sont surveillés. Tous les patients sont surveillés. Les blouses blanches veillent à la protection. Tous les patients de la nuit sont confinés dans leur chambre afin que nul sang ne coule. Et la nuit qui précède la nuit à couler, la pluie s'est répandue sur l'hôpital. Les larmes des anciens patients se sont mêlées au sang de la blouse blanche. Au sang répandu par le jeune zéro terrorisé. Le jeune zéro qui désormais manquera à l'appel car on l'a totalement oublié. Attends, respire. C'est là, il fait quoi, il fait quoi, il fait trop rigolo. Oh là là. Trop rigolo. L'âne, trop. Je vais taper le meilleur pour rien de ma vie. Allez. Bref, du coup on a mêlé nos deux instances. Là c'est l'instance de qui? Mais du coup pourquoi j'ai là, c'est tiré fini? Pourquoi j'ai tiré des dés moi? Non, là t'as pas tiré des dés, c'est lui qui les a tirés. Oui, mais avant. Avant tu as tiré des dés pour déterminer quelle était la issue de ton rêve et ce qui t'apportait des réponses. Alors, on va s'arrêter là. Okay.